de hasard. Et puis c'est un regard que l'on échange. On se prend par la main, on se dit à demain, et puis tout change. Ce sera